Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions sur le philosophe Hegel, enregistrée en avril 2018. Aujourd'hui, le droit, c'est la vie. Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par deux groupes distincts, mais d'égale importance. La police, qui enquête sur les crimes, et le procureur, qui poursuit les criminels. Voici leurs histoires, et celle de Hegel, qui tient l'application du droit comme corollaire indispensable à la liberté des citoyens. Hegel et la philosophie du droit, Law and Order, c'est parti. Mais c'est un plaisir de vous accueillir sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Hegel, Le que sais-je, Hegel et l'hegelianisme, L'effectif et le rationnel, Hegel et l'esprit objectif, c'était aux éditions Vrin. Une traduction des principes de la philosophie du droit de Hegel qui vont nous occuper aujourd'hui aux éditions PUF. Avez-vous reconnu le générique de la série télévisée Law and Order, New York Police Judiciaire? Vaguement. Bon, ça évoquera des souvenirs à ceux qui ont passé de longues heures devant la télévision entre 1990 et 2010. Cette série est intéressante, hormis le titre, parce qu'effectivement on est droit dans le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Les personnages de cette série, que ce soit des policiers, des procureurs ou des avocats, sont toujours dans une forme d'action. On ne connaît rien d'eux, on ne les voit qu'agir dans le cadre de leur métier, qui essaie de faire régner une justice et surtout qui veille à l'application du droit. Or, Hegel ne dit pas autre chose. Le droit ne vaudrait pas une heure de peine s'il n'était pas sans cesse appliqué. La pratique du droit est presque plus importante que la théorie du droit. C'est tout à fait exact. Et en vous entendant, je pensais à une phrase qui me fascine toujours des principes de la philosophie du droit, où Hegel écrit « Ce qu'est le sujet, c'est la série de ses actions ». Et ça montre que toute cette philosophie, en fait, est ce que, dans le langage de la philosophie contemporaine, on appelle une philosophie de l'action. Mais, évidemment, pour Hegel, l'action présuppose un réseau normatif qui va à la fois l'encadrer et, le cas échéant, la rectifier, parfois de façon quelque peu coercitive. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble au cours de l'heure qui nous attend, Jean-François Kervégan. Je choisissais de commencer cette émission avec cette référence à la série de manière un peu humoristique pour dédramatiser l'atmosphère, parce que quand on parle de Hegel et de la politique, et la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'association, alors vous nous direz sans doute malvenue, entre les écrits de Hegel sur la politique et sur l'État, et l'histoire de l'État en Allemagne, notamment l'avènement d'un État fort, totalitaire, voire même fasciste. Oui, c'est une très vieille histoire, en réalité. Dès la parution des principes de la philosophie du droit et sa préface, écrite au dernier moment, alors que l'ouvrage était déjà terminé... En 1820, donc. En 1820. La préface est apparue comme un manifeste d'allégeance au pouvoir en place, au roi de Prusse, et à la politique réactionnaire, répressive, qui se mettait en place à cette période dans toute l'Allemagne, mais en Prusse en particulier, à la suite d'un incident. Un jeune homme exalté avait assassiné un homme politique extrêmement réactionnaire, et ça a servi de prétexte à une politique de répression des intellectuels, des étudiants, etc. Et Hegel, qui avait la réputation d'être un libéral, on dirait aujourd'hui un homme de gauche ou de centre-gauche, s'est senti probablement menacé. Beaucoup de ses élèves étaient, si j'ose dire, dans le collimateur. Certains ont été emprisonnés. Et il semble qu'il ait éprouvé le besoin de donner des gages, en quelque sorte, avec cette préface. Qu'on peut, je l'ajoute aussitôt, lire tout à fait autrement. Pour ma part, je considère que la préface des principes de la philosophie du droit, autant et plus qu'un manifeste d'allégeance au pouvoir en place, est un grand texte d'épistémologie politique, un texte qui nous enseigne, comme le dit Hegel dans la préface, non pas ce que l'État doit être, mais comment il doit être connu. Mais il reste que cette réputation est restée attaché à l'œuvre de Hegel dans son entier, c'est-à-dire que les principes de la philosophie du droit ont été en quelque sorte le maillon faible qui a permis à toute une tradition de mettre en cause la philosophie de Hegel. Le meilleur exemple, c'est probablement le livre de Popper, « La société ouverte et ses ennemis », où Platon et Hegel apparaissent comme les deux grands ancêtres du totalitarisme nazi. On a aussi écrit en 1970 un ouvrage qui s'appelait « De Hegel à Hitler ». Juste pour citer Popper, qui par ailleurs disait « Si l'on voulait abrutir un jeune homme et le rendre incapable de réfléchir, il faudrait lui conseiller la lecture de Hegel ». Et il disait dans ce livre donc « La société ouverte et ses ennemis » qui date de 1940, « Le succès de Hegel marqua le début de l'âge de la malhonnêteté et de l'âge de l'irresponsabilité, c'est-à-dire du totalitarisme moderne, d'une responsabilité d'abord intellectuelle, et puis, ce fut l'une de ses conséquences, d'une irresponsabilité morale, un nouvel âge régi par la magie des mots éclatants et par le pouvoir du jargon. » C'était la contribution de Popper à l'effort de guerre. Popper avait quitté l'Allemagne, heureusement pour lui d'ailleurs, et émigré. Et donc c'était sa contribution à l'effort de mobilisation des esprits contre le fascisme, contre Hitler. Ce qui explique en particulier le ton dramatique de l'ouvrage et la mise en scène. Mais cela dit, sur le fond, il se trompe, mais il se trompe en héritant de toute une tradition de lecture que je considère erronée, mais qui a incontestablement forgé durablement, surtout dans un public de non-spécialistes, l'image de Hegel. Et c'est presque toujours à partir de cette œuvre qu'on a voulu réfuter le système dans son ensemble, le meilleur exemple étant fourni par un livre qui a été traduit il y a quelques années, mais qui date de 1857, « Hegel et son temps » de Rudolf Heim, qui est un livre, ça a été traduit chez Gallimard il y a quelques années, par Pierre Osmo. Et c'est un livre, par ailleurs, tout à fait remarquable, mais qui, manifestement, construit une interprétation globale de la pensée de Hegel à partir d'une lecture des principes, et notamment de cette préface, où il construit l'image d'un Hegel philosophe de la Restauration. Alors que répondez-vous à ces détracteurs ? Quand on ouvre les principes de la philosophie du droit, on trouve cette forme de matrice générale qui semble penser ensemble, ne pas distinguer le droit, la morale, la politique, l'État. Quelles sont les nuances qu'il faut saisir pour ne pas lire Hegel comme étant le précurseur de ces États totalitaires ? Alors je répondrai deux choses. La première, c'est que quand on lit le texte, notamment la partie concernant l'État, que nous dit-il ? Que l'État rationnel est une monarchie constitutionnelle. Qu'était la Prusse en 1820 et qu'était la Prusse jusqu'en 1851, une monarchie qui refusait d'être constitutionnelle. Le roi de Prusse refusait l'adoption d'une constitution et Hegel n'a jamais connu la monarchie constitutionnelle. Donc ça montre déjà qu'il y a un écart considérable entre la réalité, justement le réel n'est pas rationnel. Le réel, c'est-à-dire la monarchie prussienne telle qu'elle est, n'est pas rationnelle. Ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, sur un tout autre terrain, regardons quels sont les héritiers de Hegel, les véritables héritiers de Hegel. Les héritiers de Hegel, c'est ce qu'on a appelé les jeunes hegeliens, ou la gauche hegelienne, dont le représentant le plus brillant, le plus illustre, et lui aussi très contesté, est Karl Marx. Pratiquement, la pensée de Hegel n'a eu un héritage fructueux que dans le camp de ce qu'on appelle, très vaguement, le progrès politique. Des jeunes hegeliens, Marx et beaucoup d'autres, à Lukács et bien d'autres penseurs du XXe siècle. Un des derniers étant probablement Axel Honneth, qui, dans son récent livre « Le droit de la liberté », se propose explicitement de construire une théorie de la démocratie en réactualisant les principes de la philosophie du droit de Hegel. Je n'imagine pas un tenant du fascisme tentant de justifier le fascisme à partir de Hegel, en tout cas, les nazis détestaient Hegel. Oui, ça n'a pas été fait. L'histoire montre. Enfin, est-ce que l'un d'entre eux a brandi Hegel comme étant une source d'inspiration ? Non, pour une raison d'ailleurs assez simple, je crois. Il est difficile c'est que le nazisme lire, déjà. Détestait l'État. Et la glorification de l'État, quelle que soit la vérité de cette représentation, la glorification de l'État qu'on lit, au moins en apparence, chez Hegel, était contradictoire avec la mythification de la race, du chef, etc., qu'on trouvait chez lui. Pour être honnête, il est vrai que du côté du fascisme italien, il y a eu certains philosophes non négligeables, d'ailleurs le meilleur d'entre eux étant Giovanni Gentile, qui ont tenté effectivement, disons, de mettre la pensée de Hegel au service du fascisme. Mais ça reste relativement marginal. Bien souvent, la meilleure façon de protéger un philosophe des mauvaises lectures ou des contradictions qu'on veut pointer chez lui, c'est tout simplement de le lire. La réponse se trouve souvent dans le texte, c'est ce qu'on va faire ensemble, et je vous propose qu'on écoute un extrait des Principes de la philosophie du droit, dans lequel Hegel affirme qu'il n'est pas du rôle de la philosophie que de dire comment les choses devraient être, mais au contraire, son rôle doit être de décrire comment les choses sont, de décrire le monde tel qu'il est. Écoutez. Conceptualiser ce qui est, c'est la tâche de la philosophie. Car ce qui est la raison. En ce qui concerne l'individu, chacun est de toute façon un fils de son temps. Ainsi, la philosophie est elle aussi son temps appréhendé en pensée. Il est tout aussi sot de rêver qu'une quelconque philosophie surpasse le monde présent, son monde, que de rêver qu'un individu saute au-delà de son temps, qu'il saute par-dessus Rhodes. Pour dire un mot de l'enseignement qui dit comment le monde doit être, la philosophie, de toute façon, vient toujours trop tard pour cela. En tant que pensée du monde, elle n'apparaît dans le temps qu'après que l'effectivité a achevé son procès de culture et est venue à bout d'elle-même. Ce que le concept enseigne, l'histoire le montre nécessairement de la même manière. C'est seulement dans la maturité de l'effectivité que l'idéal apparaît en face du réel et qu'il édifie pour lui-même ce même monde saisi dans sa substance sous la figure d'un règne intellectuel. Quand la philosophie peint gris sur gris, alors une figure de la vie est devenue vieille. Et avec du gris sur gris, elle ne se laisse pas rajeunir, mais seulement connaître. La chouette de Minerve ne prend son envol qu'à l'irruption du crépuscule. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Hegel est au programme cette semaine. Aujourd'hui, Hegel et l'État, Hegel et le droit. Les principes de la philosophie du droit, c'est le titre de l'ouvrage écrit par Hegel en 1820, dans lequel on trouve cette phrase restée célèbre, Jean-François Kervégan, que vous allez nous aider à élucider. C'est dans votre traduction, en plus. La chouette de Minerve ne prend son envol qu'à l'irruption du crépuscule. Qu'est-ce que ça veut dire? La sagesse arrive toujours après coup? Ben oui. C'est, disons, tout ce passage qui a été lu de la préface est destiné à indiquer que le rôle de la philosophie par rapport à la réalité historique et politique ne peut jamais être, je dirais, naïvement prescriptif. Donc il y a là clairement une prise de position contre ce qu'on pourrait appeler un kantisme, ou un kantisme sans doute simplifié, disant que la tâche de la philosophie, de la philosophie pratique en particulier, c'est bien d'énoncer des normes auxquelles le réel ou l'action des hommes devra se conformer ou tenter de se conformer. Contre cela, Hegel, non pas abdique la vocation normative de la philosophie, mais tente de changer le sens de cette vocation. Pour lui, la tâche du philosophe, c'est plutôt d'exprimer ou de porter à l'expression la normativité immanente, la normativité qui porte le mouvement du réel et qui n'est pas encore apparente dans l'immédiateté de l'événement. Donc il s'agit pour le philosophe de, par une sorte de diagnostic, de mesurer ce vers quoi le réel s'achemine, ce vers quoi le monde des hommes s'achemine, sans qu'il en soit toujours déjà clairement conscient. Donc c'est presque un travail de psychanalyste, arriver à déceler ce qui est là sans que ce soit formulé. Oui, on pourrait dire cela. Comme un inconscient de ce qu'il appelle l'esprit objectif, d'une sorte de mentalité d'une culture ou d'un peuple, et le mettre au jour. Oui, tout à fait. Le mettre au jour, y compris dans ses contradictions. Oui. Montrer en quoi ce qu'il appelle l'esprit du peuple, Montesquieu disait l'esprit général de la nation, s'incarne plus ou moins bien dans des institutions qui sont ce qu'elles sont, mais ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être, non pas par rapport à des critères abstraits formulés par le philosophe, mais par rapport aux exigences de cette réalité elle-même. En somme, le philosophe a pour tâche de suggérer à la réalité d'être à la hauteur d'elle-même. Mmh. Mais ça demande une connaissance presque surhumaine de la part du philosophe. Il faut arriver à saisir l'esprit d'un peuple pour lui indiquer la direction à suivre pour que cet esprit puisse advenir. C'est pas ce qu'on apprend à l'université. Pardonnez-moi, vous êtes professeur à l'université, à moins que vous ayez ce talent-là de transmettre cette sagesse. J'aimerais bien être capable. Mais vraiment, c'est assez difficile à atteindre, me semble-t-il. Oui, absolument. Hegel répondait à cela avec une extraordinaire fausse modestie en disant « Je ne suis que le secrétaire de l'esprit du monde. Donc j'écris sous la dictée. » Évidemment, encore faut-il être capable d'avoir l'oreille qui permette d'entendre ce que l'esprit du monde pense. Disons qu'en réalité, ce que faisait Hegel, ce que fait la philosophie, pas seulement Hegel, ce que fait la philosophie d'une manière générale, c'est toujours de porter au jour les tendances du présent. Le meilleur exemple de cela, c'est peut-être la manière dont il lit la République de Platon. Il y a un texte fabuleux, à deux reprises, il s'y reprend à deux reprises dans les principes de la philosophie du droit, une fois dans la préface, une fois dans le corps du texte, où il dit, on présente toujours la République de Platon comme le prototype du songe creux d'un philosophe qui est complètement coupé de la réalité, etc. C'est totalement faux, dit-il. En réalité, dans la République, Platon a mis au jour les tendances et les contradictions de la cité grecque dans laquelle il vivait. C'est parce qu'il avait compris que la cité grecque ne pourrait supporter la naissance de l'individu que Platon, dans la République, systématiquement élimine tout ce qui pourrait permettre à l'individu d'affirmer son autonomie. Et donc, il lit la République de Platon, je vais employer un terme que j'emprunte à l'école de Francfort et qui n'est pas celui de Hegel, mais il lit dans la République de Platon un diagnostic d'époque. Un diagnostic sur la cité grecque et sur ce qui, et il dit, ce qui montre le génie de Platon, c'est qu'il avait très bien compris ce qui allait conduire la cité grecque à sa perte, l'affirmation de l'individu, que ce soit à travers Socrate revendiquant de penser par lui-même, ou plus tard à travers l'apparition du christianisme et de l'affirmation que la conscience morale et religieuse doit pouvoir juger par elle-même du bien et du mal, et non pas de se conformer strictement aux règles de la cité. Mais il y a aussi une dimension idéale au texte de la République de Platon. Or, Hegel dit bien qu'il faut que le philosophe se garde de proposer une forme d'utopie ou d'idéal. Justement, il dit que la République n'est pas une utopie ou un idéal. Lui, il dit aussi, il y a une dimension utopique. Ça, lui le nie. C'est ça qui est très intéressant dans sa lecture. Il dit non, c'est véritablement l'analyse la plus intelligente, la plus géniale qui ait été faite de ce qui allait, mais ce n'était perceptible qu'à un esprit hors du commun, de ce qui allait à terme condamner la polis à la décadence, à savoir l'affirmation de l'individu, de ses buts, que ce soit sur le plan moral, sur le plan religieux ou tout simplement sur le plan social et économique. Et Hegel ne dit pas entre autre chose dans le texte que nous venons d'entendre lorsqu'il écrit « En ce qui concerne l'individu, chacun est de toute façon un fils de son temps ». C'est-à-dire que nous sommes toujours tributaires, non seulement d'un lieu donné, mais aussi d'un temps, d'une certaine temporalité dans laquelle nous écrivons ce que nous écrivons, nous pensons ce que nous pensons. Ce qui est une manière d'incarner, et là j'insiste sur ce point, parce que nous avons vu au cours des émissions précédentes la dimension théorique, parfois abstraite, de la philosophie de Hegel, bien qu'il s'en défende dans son vocabulaire, dans son choix de langage, dans sa structure. Il y a une dimension systématique qui paraît coupée du réel. Or, rien n'inquiète tant Hegel que la pensée qui ne s'incarne pas dans quelque chose. Et la pensée du droit, me semble-t-il, est la meilleure façon sans doute de saisir cette urgence pour Hegel de l'incarnation ou de la matérialisation de ce qu'il appelle l'esprit. Oui, tout à fait. Cette phrase, l'individu est toujours le fils de son temps, elle vaut pour l'individu philosophe, mais elle vaut aussi pour tout individu. Et qui pourrait sérieusement dire le contraire ? Il me semble que c'est frappé au sceau de l'évidence. Simplement, une chose est d'être le fils de son temps, autre chose est de prendre conscience de ce que ça signifie, de ce que ça implique, de ce que ça interdit, de ce que cela permet. Et ça, c'est sans doute la tâche du philosophe de porter à jour ce que signifie cette appartenance à une époque, à un monde dont nous sommes toujours solidaires mais qui n'est pas pour autant l'horizon ultime de l'histoire humaine. Alors pourquoi cet ouvrage s'appelle-t-il « Principes de la philosophie du droit » puisqu'il y est question de politique, de l'État, de l'avènement de la liberté, on parle de morale également. Pourquoi cette importance du droit pour Hegel ? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que l'ouvrage a deux titres. Il est paru comme cela, avec deux titres, en vis-à-vis, en quelque sorte, l'un en face de l'autre. L'un, c'est « Principes de la philosophie du droit », et ça, c'est une expression qui était tout à fait inusitée au moment où Hegel l'emploie. Pratiquement, l'expression « philosophie du droit » naît avec lui. En fait, un tout petit peu avant lui, elle a été créée, si je puis dire, par Anselm Feuerbach, le père de Ludwig, qui était un juriste, et un grand juriste allemand. Et c'est lui qui a, à ma connaissance, été le premier à utiliser cette expression. Mais l'ouvrage, je reviens à Hegel, avait un deuxième titre, et beaucoup plus traditionnel, « Droit naturel et sciences de l'État ». Et là, si je puis dire, on se retrouvait en terrain connu. Droit naturel, eh bien, c'était une discipline universitaire qui s'enseignait dans toutes les universités allemandes. Il y avait des chaires de droit naturel. Et donc on était en terrain beaucoup plus connu. Principe de la philosophie du droit, c'est donc une quasi-innovation de Hegel. Et ce qui est encore plus une innovation, comme vous l'avez souligné, c'est le droit que se donne Hegel, et il le revendique, il l'affirme, de donner à cette notion de droit une extension absolument inusitée, puisqu'il y inclut tout ce que, dans son propre vocabulaire, il va appeler, ou il a appelé, l'esprit objectif. C'est-à-dire toutes les configurations institutionnelles, normatives, qui encadrent l'agir des hommes, qu'il s'agisse du droit stricto sensu, donc disons du droit privé, dont il est question dans la première partie des principes, qu'il s'agisse des structures familiales, dont il est question dans la troisième partie, qu'il s'agisse des structures sociales, des configurations institutionnelles qui régulent l'agir des hommes dans ce que Hegel appelle, encore une innovation de lui, la société civile. Qu'il s'agisse enfin de l'agir des hommes en tant que citoyens ou concitoyens dans le cadre de l'État, tout cet ensemble, Hegel se donne le droit de le regrouper sous un concept qui est effectivement extraordinairement élargi, de droit. Mais le fait que le droit soit le concept sous lequel Hegel entende faire rentrer toutes ces choses est tout à fait significatif en lui-même. C'est une philosophie du droit. Ça veut dire que pour Hegel, comme déjà pour Kant d'ailleurs, le droit est quelque chose de fondamental. Et bien sûr, on doit voir dans cette affirmation du caractère fondateur du droit un héritage de la Révolution française, dont Hegel, malgré la mauvaise réputation qui est la sienne, jusqu'à la fin, s'est toujours réclamé. Il s'est toujours réclamé de ce superbe lever de soleil, comme il dit encore en 1830, qu'a été la Révolution française, et de ce catéchisme élémentaire, l'expression est de lui, qu'est ou que devrait être la Déclaration des droits de l'homme, qu'on devrait en quelque sorte apprendre par cœur dans les écoles. Alors pourquoi vous expliquez ce qu'il entend par droit, et pourquoi cette philosophie du droit, mais pourquoi le droit est-il fondamental dans le cadre de sa pensée, de l'avènement de l'esprit à lui-même, de l'avènement de cette liberté? Comment le droit garantit-il la liberté? Parce que ça ne va pas de soi. La réponse que je peut essayer de formuler serait la suivante. Hegel a toujours considéré la liberté comme un processus et non pas comme un état. La liberté est un processus, le processus par lequel, individuellement et collectivement, nous advenons à nous-mêmes en nous opposant à nous-mêmes, en quelque sorte. Bon, la dialectique dont vous avez déjà parlé dans les précédentes émissions. Et la liberté, c'est la définition, alors elle est énigmatique bien sûr que Hegel en donne, la liberté consiste à être auprès de soi-même dans l'altérité à soi. D'accord. Être auprès de soi, mais dans l'altérité à soi. Soi-même comme un autre. Oui, c'est cela en quelque sorte. Or, cet être auprès de soi-même dans l'altérité à soi suppose des médiations institutionnelles. Et toute la théorie de l'esprit objectif, hein, c'est cette expression énigmatique que forge Hegel, mais qui est très intéressante. L'esprit, c'est pas simplement ce que nous avons dans la tête. Il y a un paragraphe de l'Encyclopédie des sciences philosophiques, j'ai oublié lequel, où Hegel écrit cette chose tout à fait étonnante. L'esprit, ce n'est pas l'idée que les hommes ont, c'est celle qu'ils sont. Donc, non pas les idées qu'ils ont dans la tête, mais les idées qu'incarnent leur manière d'être, leur agir, leur organisation sociale et politique, etc. C'est cela que Hegel appelle l'esprit objectif. Et ce système ou cet ensemble de configurations institutionnelles juridique, social, politique, familial, est nécessaire à l'avènement de l'être auprès de soi. Ce sont en quelque sorte la médiation extérieure ou le moment d'extériorité qui nous permet de venir auprès de nous-mêmes. Et donc d'être libre. Et donc d'être libre et en fin de compte d'être des individus. Donc si je vous comprends bien, l'esprit objectif qu'on pourrait caractériser par comme l'esprit d'un peuple, une forme de mentalité, je crois que c'est mon invité hier, Gilles Marmas, qui proposait le terme de mentalité d'un peuple. Donc tout ce qui traduit ses institutions, sa famille, sa manière d'être ensemble, cette manière de faire société, sont des éléments indispensables pour que l'homme se vive lui-même comme étant un individu libre, c'est-à-dire non seulement un sujet, mais aussi un individu libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction ici entre l'esprit objectif, le caractère institutionnel politique, et la liberté à l'échelle individuelle. Absolument. Dans l'encyclopédie, donc dans le système de Hegel, l'esprit objectif n'est qu'une partie, une partie d'une partie, puisque c'est la partie médiane de la troisième partie de ce système. Il y a la logique, la philosophie de la nature, la philosophie de l'esprit, qui elle-même se divise en esprit subjectif, esprit objectif, esprit absolu. Ce que nous explique Hegel dans la théorie de l'esprit objectif, c'est que l'esprit objectif n'est pas la conséquence, mais plutôt la présupposition de l'esprit subjectif. C'est-à-dire ce qui nous permet d'être des sujets, d'accéder à nous-mêmes en tant que sujets. Ça veut dire être capable de nous prendre en main, d'agir, bien ou mal. C'est cet ensemble organisé, objectivement organisé, qui nous permet de devenir nous-mêmes. Juste une petite... Alors, à propos de la... C'est plus qu'une mentalité, parce que l'esprit objectif s'incorpore aussi dans des pratiques qui ne font pas l'objet d'une réflexion. Il y a des rapprochements étonnants qu'on pourrait faire parfois entre certaines analyses de Hegel et certains développements de Bourdieu sur l'habitus. Structure, structurée, structurante, comme disait Bourdieu. Et il y a quelque chose de cela dans la théorie. Quand Hegel dit au début dans l'introduction de la section éthicité ou vie éthique, lorsque Hegel dit que les institutions de la vie éthique sont ce qui permet aux individus de devenir ce qu'ils ont à être, c'est exactement une manière de préfigurer en quelque sorte cette notion d'habitus que Bourdieu, par exemple, a théorisé. Et ce n'est pas un hasard, je termine là-dessus, si quelqu'un comme Durkheim, fondateur de la sociologie française, s'il a été un grand lecteur de Hegel et s'il s'est explicitement référé à Hegel lorsqu'il a construit cette idée de la mentalité collective qui nous agit en quelque sorte en même temps que elle nous permet d'agir nous individuellement. Mais quelle est cette liberté à laquelle se réfère Hegel et qui doit advenir? C'est le but de sa philosophie qu'il développe, c'est quand même l'avènement de cette liberté-là. Si le droit garantit la liberté, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose comme une liberté individuelle, une liberté de choisir entre le bien et le mal, une liberté d'agir moralement d'ailleurs, selon les normes qu'on se donne? Ou est-ce que la liberté ne serait qu'un cadre formel, finalement, qu'on pourrait identifier à ce que le droit garantit? Parce que philosophiquement, c'est complètement différent. C'est une question très intéressante et très difficile. On pourrait y répondre de la manière suivante, ou tenter d'y répondre de la manière suivante. D'abord, Hegel construit un concept qu'on peut dire stratifié de liberté. Il y a une liberté qui se réalise au niveau du droit, par exemple le fait de pouvoir être propriétaire de certaines choses. C'est une première manifestation de la liberté, très insuffisante mais fondamentale. L'esclave, dit Hegel quelque part, l'esclave n'a pas de droit et donc il n'a pas de devoir. Quelqu'un qui n'a pas de droit ne peut pas avoir de devoir. Donc sa liberté est nulle. Mais cette liberté va se réaliser aussi à d'autres niveaux, au niveau social, au niveau politique, mais aussi, alors ça me donne l'occasion, votre question me donne l'occasion de revenir sur une grande singularité de cette philosophie du droit. Pourquoi inclut-elle une théorie de la moralité? Mais c'est ça. C'est là où je voulais en venir finalement. Absolument. Mais c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi cette théorie de la moralité figure-t-elle dans la théorie de l'esprit objectif et non pas dans la théorie de l'esprit subjectif? Parce que, la réponse est celle-là, c'est que la subjectivité morale, qui, écrit-il, est un produit du monde moderne. Il n'y a pas de subjectivité dans le monde de l'Antiquité, ni même dans le monde médiéval. Le sujet, c'est le sujet moderne, ça ne peut être que le sujet moderne. Pourquoi cette théorie de la subjectivité morale, cette théorie d'un sujet qui a à choisir entre le bien et le mal dans son action, et j'ai rappelé tout à l'heure cette phrase étonnante, ce qu'est le sujet, c'est la série de ses actions. C'est quand même une phrase étonnante. On est à l'opposé de la morale de l'intention chez Kant. Absolument. C'est une morale, justement, Hegel est absolument opposé à une morale de l'intention. Mais ce qui justifie l'inclusion de cette théorie de la subjectivité morale dans une théorie de l'esprit objectif, c'est le fait que, pour Hegel, la subjectivité morale ne peut exister que si elle agit et ne peut agir que si elle s'oriente par rapport à un réseau normatif. Alors Hegel appelle ça le bien, c'est une dénomination très traditionnelle, hein, Platon, n'est-ce pas, un réseau normatif par rapport auquel son agir a toujours à se situer. Et Hegel analyse dans cette section moralité de la théorie de l'esprit objectif ou des principes de la philosophie du droit, il analyse avec une grande finesse l'immense complexité du rapport que la subjectivité entretient avec des normes, et y compris tous les moyens. Il y a toute une remarque, la remarque du paragraphe 140, qui est le plus long passage des principes de la philosophie du droit, où il examine l'une après l'autre toutes les ruses, si l'on peut dire, que peut avoir le sujet pour contourner la norme et finalement, alors l'hypocrisie, et il cite d'ailleurs Pascal, il cite les provinciales, c'est la seule fois où il cite les provinciales de Pascal, très élogieusement bien sûr, pour dénoncer justement toutes ces ruses de la subjectivité qui permettent au sujet de s'affirmer comme un être parfaitement moral là où il agit de manière totalement immorale. Eh bien, vous citiez le paragraphe 140, en voici un extrait, c'est l'homme qui se targue d'avoir une belle âme. La conscience vit dans l'angoisse de souiller la splendeur de son intériorité par l'action et l'être là. Et pour préserver la pureté de son cœur, elle fuit le contact de l'effectivité et persiste dans l'impuissance entêtée. Impuissance à renoncer à son soi affiné jusqu'au suprême degré d'abstraction, à se donner la substantialité, à former sa pensée en être et à se confier à la différence absolue. L'objet creux qu'elle crée pour soi-même la remplit donc maintenant de la conscience du vide. Son opération est aspiration nostalgique qui ne fait que se perdre en devenant objet sans essence et, au-delà de cette perte, retombant vers soi-même, se trouve seulement comme perdu. Dans cette pureté transparente de ces moments, elle devient une malheureuse belle âme, comme on la nomme. Sa lumière s'éteint peu à peu en elle-même et elle s'évanouit comme une vapeur sans forme qui se dissout dans l'air. On sent toute l'ironie de Hegel dans ce texte, Jean-François Kervégan, avec cette belle âme qu'on a envie de mettre entre guillemets, qui sans doute fait référence à l'homme moral selon Kant. Alors, le texte lui-même est tiré de la phénoménologie de l'esprit. On trouve exactement la même idée dans les principes de la philosophie du droit. Hegel consacre une longue remarque à ce que, voilà, ce que vous disiez, la loi du cœur, hein, ce qui fait que on voudrait agir en fonction du bien et finalement on se targuerait d'avoir cette bonne intention, peu importe les conséquences. Alors, on voit la distinction avec Kant. Mais la question qui se pose alors est celle de savoir, est-ce que dans une société telle que Hegel la conçoit, est-ce que le droit ne suffirait pas? Finalement, la morale est complètement secondaire si on ne juge que les actions, si on ne juge que la conformité des actions au droit, puisque le droit garantit la liberté. Alors, on n'a plus besoin d'être moraux. Au contraire. Alors, dites-nous. Au contraire, c'est-à-dire, ce que dénonce Hegel dans ce passage de la phénoménologie de l'esprit qui vient d'être lu, ou dans la très longue remarque du paragraphe 140 des principes de la philosophie du droit, c'est le jeu des faux-semblants par lequel la subjectivité peut finalement travestir son action en la faisant passer pour être bonne, alors qu'elle est intéressée, par exemple. La forme la plus extrême étant, selon Hegel, lorsque la subjectivité se retranche dans le non-agir, dans l'inaction, pour éviter de prêter le flanc à la critique qui dirait « mais alors tu agis immoralement ». Et Hegel est impitoyable avec ces formes de la bonne conscience. Qui sont en fait une forme de lâcheté. De lâcheté et de bonne conscience. Le sujet n'est moral que s'il agit. Mais agir, ça veut dire aussi prendre position par rapport à des structures normatives. Qui, elles, en réalité, vont présupposer un monde social. Hegel refuse de penser la morale séparément de ce qu'il appelle l'éthicité, la Sittlichkeit, la vie éthique, traduit-on parfois. Et d'ailleurs, à la fin de cette longue remarque critique sur les formes perverses de la bonne conscience morale, il est un critique impitoyable de la bonne conscience, il écrit que la conscience morale véritable, c'est la conscience sociale et politique de l'individu qui vit dans une société et y agit conformément à certaines règles. Conscience morale véritable. Mais alors là, il n'y a plus de distinction entre la morale et le droit ici. Le droit, le monde social et politique sont ce qui permet à la morale d'être effective, de ne pas être simplement un discours qui éventuellement peut être le masque de la pire immoralité, dans le cas de l'hypocrisie sociale, par exemple, mais d'une morale qui trouve dans la structuration d'un monde qui, comme dit Hegel, ne nous a pas attendu pour être, en quelque sorte, un appui à l'exercice de ses convictions normatives et à la mise en œuvre d'une action qui soit en accord, et effectivement en accord, et pas simplement verbalement, avec ses convictions normatives. C'est dire le rôle important non seulement du droit, mais de l'État, pour Hegel. L'État qui serait le garant justement de ces institutions qui viennent établir comme un cahier des charges normatifs à suivre pour agir de la bonne façon, selon Hegel. Si finalement c'est jamais à l'échelle individuelle, mais en conformité à l'institution ou la société ou le cadre dans lequel se meut l'individu, alors la référence, la norme ultime, c'est l'État finalement. Oui, mais il y a un grand malentendu à propos de l'État. C'est-à-dire que très souvent, on lit Hegel, et c'est assez normal, en donnant à ce mot « État » le sens qu'il a dans l'usage que nous en faisons quotidiennement, à savoir l'État, c'est, comme dira Marx, une superstructure, un ensemble de configurations institutionnelles qui exercent sur nous une certaine pression, etc. Or, Hegel, dès le début de la section État, dit que l'État, c'est tout autant une relation intersubjective qu'une réalité institutionnelle. L'État se trouve entre vous et moi. Absolument. C'est le vouloir vivre ensemble. Et il le dit dès le début, au paragraphe 258, il explique que l'État, c'est la réunion en tant que telle. La réunion, ce qui nous fait être ensemble. C'est la société civile. Non, parce que, alors, oui et non. Hegel est l'inventeur, comme on le sait, enfin, de l'expression société civile, et il est le premier à avoir tenté de penser la distinction de la société civile et de l'État. Et si j'ai dit non à votre question, c'est parce que la société civile nous unit. Elle nous unit parce que nous sommes interdépendants, par exemple dans le système de la production que Hegel, dans son jargon, appelle le système des besoins, mais elle nous sépare aussi, et elle nous oppose. Quelque part, enfin, je crois que c'est au paragraphe 200, Hegel dit que la société civile contient en elle le résidu de l'état de nature. Parce qu'elle est aussi le lieu de la conflictualité, de l'affrontement, y compris des affrontements non seulement d'individus, mais de classes. Il y a une ébauche de théorisation, on pourrait dire, de la lutte des classes, dans les paragraphes 240 et suivants de la philosophie du droit. Et Hegel conçoit l'État, pas seulement, mais il conçoit l'État aussi, comme ce qui va, en quelque sorte, permettre de relever, c'est ainsi que Derrida traduisait l'intraduisible Aufheben, l'État, c'est ce qui permet de relever les contradictions de la société civile en imposant la norme du vivre ensemble, y compris à ce qui pourrait ou ce qui nous sépare, c'est-à-dire ce qui nous oppose socialement, par exemple, producteurs, consommateurs, employeur-employé, etc. L'État, c'est avant tout le vivre ensemble. Et Hegel dit aussi que l'État a une constitution objective, mais que cette constitution objective, c'est-à-dire les institutions politiques que nous connaissons, les différents pouvoirs entre lesquels l'État se distribue, que cette constitution objective de l'État n'est rien si elle ne s'accompagne pas d'une constitution subjective. C'est-à-dire que l'État, il est en nous, et entre nous, autant et plus qu'au-dessus de nous. C'est difficile d'imaginer, de concevoir ce qu'il veut dire lorsqu'il parle de l'État comme étant présent dans l'intersubjectivité, comme étant en nous. Parce que l'État, on le conçoit comme une forme d'institution, un cadre extérieur. Et j'ai du mal à voir à quoi ça, il fait référence, là. L'État est en nous. C'est l'idée qu'on se fait de l'État qui guide notre agir? Même pas. Même pas l'idée qu'on se fait de l'État, parce que l'idée que nous nous faisons de l'État est plutôt celle à laquelle vous avez fait allusion. Et qui est la nôtre. Spontanément, nous nous représentons l'État comme quelque chose qui est en dehors de nous. Oui. Au-dessus, et qui éventuellement nous écrase. Mais on n'a pas envie qu'il soit à l'intérieur. C'est assez effrayant comme idée, mais, non? Si on entend l'État au sens de l'esprit du vivre ensemble, ça prend une toute autre signification. Au paragraphe 268, donc c'est dans le cadre de la théorie de l'État, Hegel propose une définition tout à fait renversante du patriotisme, où il dit « Le patriotisme, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la capacité à aller se faire tuer sur un champ de bataille. Les hommes sont, dit-il, plus volontiers courageux que droits. Le patriotisme, ça consiste à vivre avec, c'est l'esprit de concitoyenneté, c'est l'esprit du vivre ensemble. Et ça, je ne l'invente pas, c'est dit en toutes lettres chez Hegel. Autrement dit, l'étatisme hegélien qu'on lui a tellement reproché, à mon avis, repose sur un contresens, c'est-à-dire qu'on projette sur la théorie hegélienne de l'État une représentation de ce que l'État, que lui veut précisément combattre, ou en tout cas écarter. L'État surtout ne doit pas être compris comme quelque chose qui est en dehors de nous, au-dessus de nous. Alors, on pourrait appeler cela autrement. Aujourd'hui, on dit le vivre ensemble. Mais je crois profondément que ce que Hegel appelle l'État, c'est d'abord, pas seulement, d'abord le système de ce qui rend possible le vivre ensemble. La concitoyenneté. Alors là, c'est très clair, mais quand on lit les phrases de Hegel lui-même, alors vous citiez le patriotisme, en effet, il dit par patriotisme, on entend fréquemment seulement l'aptitude à des sacrifices et des actions extraordinaires, mais essentiellement, il est la disposition d'esprit qui, dans la situation et le contexte de vie habituel, est accoutumée à savoir que la communauté est l'assise substantielle et la fin de cet État. Donc ça, c'est ce que vous disiez, c'est au paragraphe 268. Mais on trouve aussi, lorsqu'il parle de l'État, des phrases qui peuvent paraître, enfin, qui sont compliquées à comprendre si on n'est pas familier de ce que veut dire Hegel. Et c'est là où vous nous êtes très utile. Il dit « L'État est la réalité effective de la liberté concrète ». Vous avez dit « L'État est aussi en nous », c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Très bien, donc en effet, il y a une dimension effective. Mais en quoi est-ce que l'État serait la réalité effective de la liberté concrète? Il ne dissocie pas l'État de la liberté? Ah non. Absolument pas. L'État, c'est la liberté. L'État, c'est... Mais l'État, c'est aussi la police, l'État, c'est aussi le droit. Enfin, c'est aussi ce qui vient mettre des bornes à ma liberté. À une représentation que je peux avoir de ma liberté. J'ai intitulé la présentation de la traduction de la philosophie du droit « L'institution de la liberté ». Et évidemment, là, je jouais avec ce titre sur les deux sens du mot « institution ». L'institution comme quelque chose qui est là, etc., mais aussi... ce qui institue, le mouvement qui institue. Et l'État est, pour Hegel, ce qui institue la liberté et aussi l'institutionnalise. Alors, la police, par exemple, la police ou la justice. Quand la justice me condamne, m'envoie en prison parce que j'ai commis un délit, quand la police me réprime ou me poursuit, etc. Est-ce qu'elle porte atteinte à ma liberté? Hegel répond non. Elle ne porte pas atteinte à ma liberté, mais à une représentation illusoire que je pourrais avoir de ma liberté. Celle, par exemple, selon laquelle être libre, ce serait agir indépendamment des autres, agir indépendamment du tissu social dans lequel nous sommes immergés. Disons, toutes les rêveries anarchisantes que Hegel, effectivement, condamne. Alors, si la liberté, si on entend la liberté au sens de Max Stirner, alors, effectivement, les principes de la philosophie du droit, d'ailleurs c'est Stirner lui-même qui l'a dit, sont la négation de toute liberté, ça le rend impossible. Mais on peut avoir, et je crois que, pour ma part, je crois que Hegel a raison, qu'on peut avoir une autre représentation de la liberté que cette représentation anarchisante, selon laquelle liberté et normativité seraient absolument inconciliables. Nous avons besoin de normes pour être libres, qui nous aident à être auprès de nous-mêmes, y compris dans la difficulté de ce qui vient s'opposer, nous contraindre à certains moments, contraindre notre libre arbitre pour mieux faire advenir notre liberté. Oui, c'est ça, à condition de placer la liberté collective avant la liberté individuelle. Ça demande quand même un sacré sens politique, un sacré sens du commun. Je crois que pour Hegel, il pensait sincèrement que les deux allaient de pair. Que la liberté politique ne pouvait que maximiser, si je puis employer ce terme, la liberté individuelle. En fait, ça fonctionnerait dans un État très libéral. Mais je le crois. C'est le type d'État que Hegel appelait de ses voeux. Alors, tout dépend ce qu'on entend par libéral. Hegel, politiquement, me semble être incontestablement un libéral. Mais un libéral qui a compris que la liberté suppose un État, et même, jusqu'à un certain point, un État fort. C'est-à-dire un État capable de réprimer tout ce qui rend ou risque de rendre cette liberté irréalisable. Par exemple, Hegel, dans la théorie de la société civile, justifie la nécessité pour l'État d'intervenir dans l'économie. Donc il y a une théorie de l'État social, il y a une théorie de l'État social développée chez Hegel. Moi, j'ai dit parfois dans mes cours que Hegel est un social-démocrate avant la lettre. Je crois que c'est tout à fait exact. C'est-à-dire, si on considère que la liberté consiste dans l'absolue indépendance à l'égard de toute contrainte externe, alors Hegel n'adhère pas à cette vision de la liberté qui serait celle d'un libertarianisme extrême. Hegel n'est pas libertarien, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et les libertariens n'aiment pas Hegel. Mais il est un libéral au sens où il pense que l'État peut nous aider, l'État que nous sommes peut nous aider à nous rendre libres en combattant ou en corrigeant tout ce qui, dans notre agir, peut rendre impossible cette liberté. Et ce qu'il écrit, par exemple, à propos de la politique sociale est tout à fait remarquable à cet égard. L'État doit intervenir dans les mécanismes économiques et sociaux, avoir une politique redistributrice, etc. Que ce soit sous une monarchie ou une république, ou quelle que soit la modalité d'établissement de cet État. Là, et c'est là que sa pensée porte incontestablement la marque de son temps, hein, mais on ne peut pas le cacher, Hegel explique, l'État rationnel, c'est la monarchie constitutionnelle. J'ai dit tout à l'heure, hein, il faut quand même pas l'oublier, que cette monarchie constitutionnelle, elle était encore de l'ordre du rêve, en tout cas en Allemagne, au moment où il le disait. Mais incontestablement, il dit cela. Il explique aussi que la démocratie, c'est un autre chapitre, que la démocratie, c'est pas bien du tout. Mais à mon avis, justement, enfin, j'avais écrit il y a longtemps un article où j'expliquais que si on voulait être démocrate, il y avait beaucoup à apprendre des critiques que Hegel fait à la démocratie. Mais incontestablement, il accorde la préférence à un type de régime dans lequel la plupart d'entre nous ne se reconnaîtraient pas, encore que, est-ce que les institutions de la Ve République n'ont pas quelque chose à voir avec l'État monarchique tel que Hegel le décrit, à une réserve près, bien sûr, l'hérédité, jusqu'à présent, en tout cas. Nous élisons notre monarque. Nous l'élisons à l'Élysée. Merci à vous. En tout cas, on se quittera avec cette question. Jean-François Kervégan, je renvoie à la lecture des principes de la philosophie du droit et à vos ouvrages Hegel et l'hégélianisme au PUF, l'effectif et le rationnel, Hegel et l'esprit objectif chez Vrin. On se quitte comme on a commencé, Law and Order, mais cette fois-ci la chanson de The Committee. Avant de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoy, Jean-François Kervégan, un dernier mot, vous vouliez rendre hommage à Jean Gaillon qui nous a quittés ces derniers jours. Oui, j'ai été très heureux que vous, Géraldine, qui vient de s'installer en studio, rendiez hommage à Jean Gaillon. Je voulais simplement dire, et France Culture aussi sur son site lui a rendu hommage. J'ai été très sensible à cela et je voulais dire que Jean Gaillon était non seulement un philosophe et de la biologie et un historien des sciences de réputation internationale, mais qu'il était aussi un universitaire exemplaire. Et ça a été pour moi un plaisir et un honneur de le côtoyer à la Sorbonne pendant une quinzaine d'années où nous avons enseigné l'un et l'autre. Et voilà. C'était votre collègue à Paris, hein. C'était mon collègue. Merci à vous de lui rendre cet ultime hommage, même s'il y en aura sans doute beaucoup d'autres. Et merci d'être venu pour nous parler de Hegel aujourd'hui. Géraldine Mosna-Savoy, c'est votre heure, c'est l'heure de retrouver le journal de la philo sur France Culture. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jours, vous nous parlez d'une actualité en lien avec une réflexion philosophique que vous nous proposez, mais aujourd'hui je vois qu'il s'agit de Laclos, c'est pas l'actualité la plus contemporaine et pourtant... Et non, Pierre Chauderlot de Laclos n'a pas écrit que Les liaisons dangereuses, mais il a aussi écrit ce discours qui paraît aux éditions Équateur parallèle de l'éducation des femmes. Publié en 1783, on s'y rend compte que l'égalité homme-femme n'est pas un combat tout neuf bien sûr, mais qu'il a aussi été incarné par des hommes, peu, c'est vrai, mais au moins par quelques-uns. Alors comment Chauderlot de Laclos a-t-il pris parti de son côté? Qui sont ces quelques autres hommes féministes? Et que dire quand on est un homme sans pour autant imposer son point de vue? J'aimerais beaucoup savoir ce qui vous a rendu tellement inventive. Mais a-t-on le choix si l'on n'est qu'une simple femme? Une femme est obligée d'avoir bien plus de talent que vous, messieurs. Un homme ruine notre réputation avec quelques petites phrases bien venimeuses. C'est pourquoi j'ai dû inventer la femme que je suis. Et puis surtout des échappatoires inédites pour me garantir contre votre pouvoir. Si j'ai réussi, c'est parce que je savais que je suis venue au monde afin de dominer votre sexe et de venger enfin le nôtre. On ne peut parler de Chauderlot de Laclos sans évoquer quand même Les liaisons dangereuses, dont on vient d'entendre un extrait, publié en 1782, un an donc avant son discours sur l'éducation des femmes. On y trouve toute une typologie de profils féminins. Alors la jeune fille en fleurs, Cécile de Volanges, sa mère, intéressée mais naïve, et puis bien sûr, la libertine hypocrite, la marquise de Merteuil. Qui dit typologie dit un petit peu stéréotype et dit caricature. D'ailleurs, il faut le dire, dans la fiche Wikipédia du roman, les Volanges sont désignées sous le titre de victime et la marquise de Merteuil sous celui de meneuse du jeu. C'est dire les raccourcis et évidemment oublier le renversement final, sorte de moralité de l'histoire où Merteuil est banni de la société. Qu'attendre alors de Chauderlot de Laclos qui fait disparaître la seule de ses héroïnes à même de s'inventer? Comment a-t-il pu se prononcer en féministe sur l'éducation des femmes quand il fait payer très cher à sa marquise de Merteuil d'en avoir une et de suivre son désir? Quand j'ai fait mon entrée dans la société, j'avais 15 ans. Je savais déjà qu'elle était le rôle qu'on m'assignait pour le reste de mes jours, me taire et faire ce qu'on m'ordonnait. Je devins très vite une virtuose de l'hypocrisie. Ce n'était pas le plaisir que je voulais atteindre, mais la connaissance. Je consultais d'austères moralistes pour acquérir le maintien, des philosophes pour apprendre à réfléchir, et des auteurs pour voir dans leurs romans jusqu'où je pouvais aller. Et tout cela, je l'ai distillé en un unique et merveilleux précepte, vaincre ou mourir. Dans son discours, réponse à une question proposée par l'Académie de Chalon-sur-Marne, quels seraient donc les meilleurs moyens de perfectionner l'éducation des femmes? Chauderlot de Laclos le dit, il n'est aucun moyen de perfectionner l'éducation des femmes. Provocation bien sûr, car il ajoute, partout où il y a esclavage, il ne peut y avoir éducation. Voilà donc son paradoxe, parler d'éducation des femmes n'a aucun sens dans une société où celle-ci consiste à être esclave. Et paradoxe de la marquise de Merteuil, loin de s'être faite elle-même, comme elle le dit, elle se serait faite aux mœurs de son époque et conformée aux désirs des autres, entendez donc des hommes. Mais il y a au fond un autre paradoxe que souligne Geneviève Fraisse dans sa préface au discours de Chauderlot de Laclos, suivre son désir, comme semble semble le faire la marquise, c'est aussi mettre à l'épreuve l'égalité, soit la ruiner par les jeux inégaux de l'érotisme, ou alors l'exacerber en identifiant les sexes. Comment penser alors désir et sexualité en même temps qu'égalité et droit ? There is a band of women, and two are men are born, emerging from the darkness past and looking toward the morn. Their mothers labored, waited through a night without a star. The morning shows a suffrage flag that bears the woman's star. Pour penser cette éducation alors hautement actuelle de l'articulation entre égalité et désir, on peut remonter à deux autres textes. Alors d'abord, celui de François Poulade-Labarre, de l'égalité des deux sexes, discours physique et moral, où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés, qui est paru en 1673. Il y défend une radicale égalité entre hommes et femmes, et en bon cartésien qui sépare le corps et l'esprit, la différence de force physique n'y entraîne aucune différence spirituelle et légale. D'où la possibilité d'un désir qui joue donc sur la séduction sans impliquer une inégalité entre les sexes. Et puis un autre texte que je cite, paru en 1869, c'est bien sûr l'essai de John Stuart Mill de l'assujettissement des femmes, qui prône le droit de vote des femmes. Luttant contre les préjugés instinctifs, il plaide pour une raison asexuée et laisse de côté en libéral la sphère privée à la guise de chacun. Eh bien voilà, beaucoup de lectures à faire. Rappelez-nous le titre de, bah déjà du discours de Laclos. De l'éducation des femmes, donc avec une préface de Geneviève Fraisse, c'est paru aux éditions Équateur Parallèle. Et puis j'ai cité deux autres textes, donc Poulain de la Barre, et je signale que Égalité, modernité, radicalité, c'est un ouvrage collectif qui est paru sous la direction de Marie-Frédérique Pellegrin avec une postface de Thierry Hoquet, et paru donc aux éditions Vrin. Et puis Mille, plaidoyer pour le droit de vote des femmes, qui va paraître le 1er mars 2018 aux éditions X. Mille, c'est John Stuart Mille. Oui. C'est noté. Merci Géraldine. Et votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. L'équipe des Chemins de la Philosophie, c'est Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Nicolas Berger et Thomas Beau. Demain, je vous propose de redécouvrir un épisode du Profession Philosophe enregistré avec Elisabeth de Fontenay. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission autour de Hegel, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux, Instagram, Facebook et Twitter, où l'équipe des Chemins de la Philosophie sera ravie de discuter avec vous. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.